بسم الله الرحمن الرحيم نخوض المسألة الرابعة وثلاثين 34 مسألة في قوله تعالى والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء dans le sens où Allah dit que les femmes divorcées doivent observer une période, c'est-à-dire de idda, viduité, ou viduité, je ne sais plus comment on dit, de trois menstrues, ou ça peut être trois purifications. Il y a un khilaf. Verset 228, sourate al-Baqara. قال المؤلف رحمه الله تعالى هذه الآية الكريمة تدل بظاهرها على أن كل مطلقة تعتد بالأقرى وقد جاء في آية أخرى أن بعض المطلقات يعتد بغير الأقرى كالعجائز والصغائر والممسوس عليها بقوله تعالى واللائي يئسن من المحيض إلى قوله واللائي لم يحضن. Donc maintenant ce verset dans son apparence s'entend que toute femme divorcée répudiée a une période de idda de purification. Dans le verset, il citait de trois. Et d'autres versets sont venus démontrer que certaines femmes divorcées, elles, ont une idda, n'étant pas de cette période-là. Comme par exemple, les femmes âgées ou les jeunes femmes, celles qui sont jeunes, qui n'ont pas encore eu leur menstrue, ou celles dont des textes sont venus spécifier leur cas. Dans le sens où Allah, dans le sens où il dit, et celles qui n'auront plus de menstrues, faisant allusion à là, aux femmes qui sont grandes, qui sont de grand âge. Où il a dit, et celles qui n'ont pas encore eu leur menstrues, faisant allusion ici à ceux qui sont jeunes en âge, qui n'ont pas encore leur menstrues. Soit tout à l'heure, le divorce, verset 4. وكل حوامل المنصوص عليها بقوله وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن. Et également les femmes enceintes, dans le sens où Allah dit, et les femmes enceintes, c'est-à-dire que leur période de idda dure jusqu'à ce qu'elles accouchent. Et talaq, verset 4. مَعَنَّهُ جَاءَ فِي آيَةٍ أُخَرَ أن بعض المطلقات لا عدة عليهن أصلا وهن المطلقات قبل الدخول ويقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها. Et il y a également d'autres femmes parmi les femmes divorcées qui elles n'ont pas du tout de idda, aucune idda à la base. Et elles sont celles qui ont été divorcées avant qu'il n'y ait eu de rapport. Comme dans la parole d'Allah, dans le sens où il dit « Ô vous qui avez cru, si jamais vous épousez les croyantes et que vous les divorcez avant d'avoir eu des rapports avec elles, alors sachez qu'elles n'ont pas de idda. » En sourate Al-Ahzab, les coalisés, verset 49. « قَالَ وَالْجَوَابُ عَنْ هَذَا ظَاهِرٌ وَهُوَ أَنَّ آيَةً وَالْمُتَلَّقَاتِ عَمَّةً وهذه الآية المذكورة أخص منها فهي مخصصة لها فهي إذن من العام المخصوص. Donc c'est quoi la réponse? C'est que celle-ci est apparente, comme cela a été donné dans d'autres explications, dans d'autres audios auparavant et dans les règles de Usul. Que le verset disant les divorcés, c'est un verset qui est général. Et que les autres versets venus par la suite sont des versets spécifiques, qui viennent démontrer que certaines femmes sortent de ce jugement général. Donc ça rentre dans quel bab? Al-am al-marsous, c'est-à-dire le général qui était spécifié. Et à hada qad zakarnahu fi dulus as-sabiqa. Naam. Fabi hada al-qad naktafi wa naqul alhamdulillahi rabbil alamin.